Baby, baby, no more. Symphonie des chargeurs. Hein? Quand on investit sur moi, je me rappelle que je suis qu'un produit. Quand l'amour fait cartonner, bah commence racheter une conduite. Trop proche des crocs morts, des gars morts, des corbeaux, des démons. Viol mental, quand le cœur fait pas ce que le corps demande, baby. Des frères entre quatre murs, des frères entre quatre planches, c'est ici. Comme un leader paranoïaque, j'ai l'impression d'être suivi. Puristes et vétérans sont bien trop nostalgiques. J'ai vu des frères bouger pour moi et des amitiés tétrapégiques. On ne m'encule pas, moi je suis pas ces autres. Symphonie des chargeurs, Tony est tombé sur une octave. Mets ton pare-balles, banlieue sale, 93 soldiers. La vie n'a pas de prix, mais les armes de mer sont soldées. Flingue dans ta bouche, on veut plus voir tes mimiques. Flingue dans ta bouche, ta gorge fait que des gimmicks. Flingue dans ta bouche, ma vengeance joue les dentistes. Flingue dans ta bouche, à défaut de mettre ma bite. Flingue dans ta bouche, on veut plus voir tes mimiques. Flingue dans ta bouche, ta gorge fait que des gimmicks. Flingue dans ta bouche, ma vengeance joue les dentistes. Flingue dans ta bouche, à défaut de mettre ma bite. Waouh, waouh, waouh, il parle mal le fusillé. S'il revient pas à ta fée de main, c'est que mes gars l'ont fusillé. Boy, les petits bourrins insultés, les stars se sont jamais retenus. J'ai vu des frères nous dire au revoir, ils ne sont jamais revenus. Les balles tringouvent le bal, les calis veulent qu'on danse. Des poteaux de fume dans ta piscine, parce que la vengeance est étanche. On tape dans l'ombre, juste pour fuir l'anonymat. Dans 9-3, on appelle pas le 17, c'est pas dans la sauna. Dis aux fans qu'on sourit plus une fois qu'on baisse les rideaux. J'arrête le rap pour faire la guerre, j'ai plus d'ennemis que Drivo. J'ai pris le mic avec des couilles et du cran. Dis pas un nain qui comprendra quand il sera grand. Flingue dans ta bouche, on veut plus voir tes mimiques. Flingue dans ta bouche, ta gorge fait que des gimmicks. Flingue dans ta bouche, ma vengeance joue les dentistes. Flingue dans ta bouche, à défaut de mettre ma bite. Flingue dans ta bouche, on veut plus voir tes mimiques. Flingue dans ta bouche, ta gorge fait que des gimmicks. Flingue dans ta bouche, ma vengeance joue les dentistes. Flingue dans ta bouche, à défaut de mettre ma bite.